Avec un cœur plein de fantaisies délirantes dont je suis le capitaine, avec une lance de feu et un cheval d'air, à travers l'immensité je voyage. Chanson de Tom Obedlam. D'après les nouvelles les plus récentes de Rotterdam, il paraît que cette ville est dans un singulier état d'effervescence philosophique. En réalité, il s'y est produit des phénomènes d'un genre si complètement inattendu, si entièrement nouveau, si absolument en contradiction avec toutes les opinions reçues, que je ne doute pas qu'avant peu toute l'Europe ne soit sens dessus-dessous, toute la physique en fermentation, et que la raison et l'astronomie ne se prennent aux cheveux. Il paraît que le du mois de... Je ne me rappelle pas positivement la date. Une foule immense était rassemblée, dans un but qui n'est pas spécifié, sur la grande place de la Bourse de la confortable ville de Rotterdam. La journée était singulièrement chaude pour la saison, il y avait à peine un souffle d'air, et la foule n'était pas trop fâchée de se trouver de temps à autre aspergée d'une ondée amicale de quelques minutes qui s'épanchait des vastes masses de nuages blancs abondamment éparpillés à travers la voûte bleue du firmament. Toutefois, vers midi, il se manifesta dans l'assemblée une légère mais remarquable agitation, suivie du brouhaha de 10 000 langues. Une minute après, 10 000 visages se tournèrent vers le ciel, 10 000 pipes descendirent simultanément du coin de 10 000 bouches, et un cri, qui ne peut être comparé qu'au rugissement du Niagara, retentit longuement, hautement, furieusement à travers toute la cité et tous les environs de Rotterdam. L'origine de ce vacarme devint bientôt suffisamment manifeste. On vit des bouchers et entrer dans une des lacunes de l'étendue azurée, du fond d'une de ces vastes masses de nuages aux contours vigoureusement définis, un être étrange, hétérogène, d'une apparence solide, si singulièrement configuré, si fantastiquement organisé, que la foule de ces gros bourgeois qui le regardaient d'en bas, bouche béante, ne pouvait absolument y rien comprendre ni se lasser de l'admirer. Qu'est-ce que cela pouvait être? Au nom de tous les diables de Rotterdam, qu'est-ce que cela pouvait présager? Personne ne le savait, personne ne pouvait le deviner. Personne, pas même le bourgmestre, Mynheer Superbus van Dunderduc, ne possédait la plus légère donnée pour éclaircir ce mystère. En sorte que, n'ayant rien de mieux à faire, tous les Rotterdamois, à un homme près, remirent sérieusement leurs pipes dans le coin de leur bouche et, gardant toujours un œil braqué sur le phénomène, se mirent à pousser leur fumée, firent une pause, se dandinèrent de droite à gauche et grognèrent significativement, puis se dandinèrent de gauche à droite, grognèrent, firent une pause, et finalement se remirent à pousser leur fumée. Cependant, on voyait descendre, toujours plus bas vers la béate ville de Rotterdam, l'objet d'une si grande curiosité et la cause d'une si grosse fumée. En quelques minutes, la chose arriva assez près pour qu'on pût la distinguer exactement. Cela semblait être, oui, c'était indubitablement une espèce de ballon. Mais jusqu'alors, à coup sûr, Rotterdam n'avait pas vu de pareil ballon, car qui, je vous le demande, a jamais entendu parler d'un ballon entièrement fabriqué avec des journaux crasseux? Personne en Hollande, certainement. Et cependant, là, sous le nez même du peuple, ou plutôt à quelque distance au-dessus de son nez, apparaissait la chose en question, la chose elle-même faite, j'ai de bonnes autorités pour l'affirmer, avec cette même matière à laquelle personne n'avait jamais pensé pour un pareil dessin. C'était une énorme insulte au bon sens des bourgeois de Rotterdam. Quant à la forme du phénomène, elle était encore plus répréhensible. Ce n'était guère qu'un gigantesque bonnet de fou tourné sans dessus-dessous, et cette similitude fut loin d'être amoindrie quand, en l'inspectant de plus près, la foule vit un énorme gland pendu à la pointe et autour du bord supérieur de la base du cône, un rang de petits instruments qui ressemblaient à des clochettes de brebis et tintinnabulaient incessamment sur l'air de Betty Martin. Mais voilà qui était encore plus violent. Suspendu par des rubans bleus au bout de la fantastique machine, se balançait, en manière de nacelle, un immense chapeau de castor gris américain, à bord superlativement large, à calotte hémisphérique, avec un ruban noir et une boucle d'argent. Chose assez remarquable toutefois, maint citoyen de Rotterdam aurait juré qu'il connaissait déjà ce chapeau, et en vérité, toute l'assemblée le regardait presque avec des yeux familiers, pendant que Dame Gretel-Pfahl poussait en le voyant une exclamation de joie et de surprise, et déclarait que c'était positivement le chapeau de son cher homme lui-même. Or, c'était une circonstance d'autant plus importante à noter que Pfahl, avec ses trois compagnons, avait disparu de Rotterdam depuis 5 ans environ, d'une manière soudaine, inexplicable, et jusqu'au moment où commence ce récit, tous les efforts pour obtenir des renseignements sur eux avaient échoué. Il est vrai qu'on avait découvert récemment, dans une partie retirée de la ville, à l'est, quelques ossements humains mêlés à un amas de décombres d'un aspect bizarre. Et quelques profanes avaient été jusqu'à supposer qu'un hideux meurtre avait dû être commis en cet endroit et que Hans Pfahl et ses camarades en avaient été très probablement les victimes. Mais revenons à notre récit. Le ballon, car c'en était un décidément, était maintenant descendu à 100 pieds du sol et montrait distinctement à la foule le personnage qu'il habitait. Un singulier individu, en vérité. Il ne pouvait guère avoir plus de 2 pieds de haut. Mais sa taille, toute petite qu'elle était, ne l'aurait pas empêchée de perdre l'équilibre et de passer par-dessus le bord de sa toute petite nacelle sans l'intervention d'un rebord circulaire qui lui montait jusqu'à la poitrine et se rattachait au cordon du ballon. Le corps du petit homme était volumineux au-delà de toute proportion et donnait à l'ensemble de son individu une apparence de rotondité singulièrement absurde. De ses pieds, naturellement, on n'en pouvait rien voir. Ses mains étaient monstrueusement grosses, ses cheveux gris et rassemblés par derrière en une queue, son nez prodigieusement long, crochu et empourpré, ses yeux bien fendus, brillants et perçants, son menton et ses joues, quoique ridés par la vieillesse, larges, boursouflés, doubles. Mais sur les deux côtés de sa tête, il était impossible d'apercevoir le semblant d'une oreille. Ce drôle de petit monsieur était habillé d'un paletot sac de satin bleu ciel et de culottes collantes assorties, serrées aux genoux par une boucle d'argent. Son gilet était d'une étoffe jaune et brillante, un bonnet de taffetas blanc était gentiment posé sur le côté de sa tête, et, pour compléter cet accoutrement, un foulard écarlate entourait son cou et, contourné en un nœud superlatif, laissait traîner sur sa poitrine des bouts prétentieusement longs. Étant descendu, comme je l'ai dit, à 100 pieds environ du sol, le petit monsieur fut soudainement saisi d'une agitation nerveuse et parut peu soucieux de s'approcher davantage de la terre ferme. Il jeta donc une quantité de sable d'un sac de toile qu'il souleva à grand-peine et resta stationnaire pendant un instant. Il s'appliqua alors à extraire de la poche de son paletot, d'une manière agitée et précipitée, un grand portefeuille de maroquin. Il le pesa soupçonneusement dans sa main, l'examina avec un air d'extrême surprise, comme évidemment étonné de son poids. Enfin, il l'ouvrit, en tira une énorme lettre scellée de cire rouge et soigneusement entortillée de fils de même couleur, et la laissa tomber, juste au pied du bourgmestre Superbus von Dunderduck. Son Excellence se baissa pour la ramasser. Mais l'aéronaute, toujours fort inquiet, et n'ayant apparemment pas d'autres affaires qui le retinssent à Rotterdam, commençait déjà à faire précipitamment ses préparatifs de départ. Et comme il fallait décharger une portion de son lest pour pouvoir s'élever de nouveau, une demi-douzaine de sacs qu'il jeta l'un après l'autre, sans se donner la peine de les vider, tombèrent coup sur coup sur le dos de l'infortuné bourgmestre et le culbutèrent juste une demi-douzaine de fois à la face de tout Rotterdam. Il ne faut pas supposer toutefois que le grand Hunderduck ait laissé passer impunément cette impertinence de la part du vieux petit bonhomme. On dit, au contraire, qu'à chacune de ses 6 culbutes, il ne poussa pas moins de 6 bouffées, distinctes et furieuses, de sa chère pipe qu'il retenait pendant tout ce temps et de toutes ses forces, et qu'il se propose de tenir ainsi, si Dieu le permet, jusqu'au jour de sa mort. Cependant, le ballon s'élevait comme une alouette et, planant au-dessus de la cité, finit par disparaître tranquillement derrière un nuage semblable à celui d'où il avait si singulièrement émergé, et fut ainsi perdu pour les yeux éblouis des bons citoyens de Rotterdam. Toute l'attention se porta alors sur la lettre. dont la transmission, avec les accidents qui la suivirent, avait failli être aussi fatale à la personne et à la dignité de son excellence Van Dunderduc. Toutefois, ce fonctionnaire n'avait pas oublié, durant ses mouvements giratoires, de mettre en sûreté l'objet important, la lettre, qui, d'après la suscription, était tombée dans des mains légitimes, puisqu'elle était adressée à lui d'abord et au professeur Rudabud en leur qualité respective de président et de vice-président du Collège astronomique de Rotterdam. Elle fut donc ouverte sur le champ par ses dignitaires, et ils y trouvèrent la communication suivante très extraordinaire et, ma foi, très sérieuse. À leurs excellences von Hunderduck et Rudabub, président et vice-président du Collège national astronomique de la ville de Rotterdam. Vos excellences se souviendront peut-être d'un humble artisan du nom de Hans Pfahl, raccommodeur de soufflets de son métier, qui disparut de Rotterdam, il y a environ 5 ans, avec 3 individus et d'une manière qui a dû être regardée comme inexplicable. C'est moi, Hans Pfahl lui-même, n'en déplaise à vos excellences, qui suis l'auteur de cette communication. Il est de notoriété, parmi la plupart de mes concitoyens, que j'ai occupé, 4 ans durant, la petite maison de briques placée à l'entrée de la ruelle dite Sauerkraut, et que j'y demeurais encore au moment de ma disparition. Mes aïeux y ont toujours résidé, de temps immémorial, et ils ont invariablement exercé comme moi-même la très respectable et très lucrative profession de raccommodeur de soufflets, car, pour dire la vérité, jusqu'à ces dernières années, où toutes les têtes de la population ont été mises en feu par la politique, jamais plus fructueuse industrie n'avait été exercée par un honnête citoyen de Rotterdam, et personne n'en était plus digne que moi. Le crédit était bon, la pratique donnait ferme, on ne manquait ni d'argent ni de bonne volonté. Mais, comme je l'ai dit, nous ressentîmes bientôt les effets de la liberté, des grands discours, du radicalisme et de toutes les drogues de cette espèce. Les gens, qui jusque-là avaient été les meilleures pratiques du monde, n'avaient plus un moment pour penser à nous. Ils en avaient à peine assez pour apprendre l'histoire des révolutions et pour surveiller dans sa marche l'intelligence et l'idée du siècle. S'ils avaient besoin de souffler leur feu, ils se faisaient un soufflet avec un journal. À mesure que le gouvernement devenait plus faible, j'acquérais la conviction que le cuir et le fer devenaient de plus en plus indestructibles. Et bientôt, il n'y eut pas dans tout Rotterdam un seul soufflet qui eût besoin d'être repiqué ou qui réclamât l'assistance du marteau. C'était un état de choses impossible. Je fus bientôt aussi gueux qu'un rat. Et, comme j'avais une femme et des enfants à nourrir, mes charges devinrent à la longue intolérables. Et je passais toutes mes heures à réfléchir sur le mode le plus convenable pour me débarrasser de la vie. Cependant, mes chiens de créanciers me laissaient peu de loisirs pour la méditation. Ma maison était littéralement assiégée du matin au soir. Il y avait particulièrement 3 gaillards qui me tourmentaient au-delà du possible, montant continuellement la garde devant ma porte et me menaçant toujours de la loi. Je me promis de tirer de ces 3 êtres une vengeance amère si jamais j'étais assez heureux pour les tenir dans mes griffes. Et je crois que cette espérance ravissante fut la seule chose qui m'empêcha de mettre immédiatement à exécution mon plan de suicide, qui était de me faire sauter la cervelle d'un coup d'espingole. Toutefois, je jugeais qu'il valait mieux dissimuler ma rage et les bourrer de promesses et de belles paroles, jusqu'à ce que, par un caprice heureux de la destinée, l'occasion de la vengeance vint s'offrir à moi. Un jour que j'étais parvenu à leur échapper et que je me sentais encore plus abattu que d'habitude, je continuai à errer pendant longtemps encore et sans but à travers les rues les plus obscures, jusqu'à ce que, enfin, je butai contre le coin d'une échoppe de bouquinistes. Trouvant sous ma main un fauteuil à l'usage des pratiques, je m'y jetai de mauvaise humeur et, sans savoir pourquoi, j'ouvris le premier volume qui me tomba sous la main. Il se trouva que c'était une petite brochure traitant de l'astronomie spéculative et écrite soit par le professeur Encke de Berlin, soit par un Français dont le nom ressemblait beaucoup au sien. J'avais une légère teinture de cette science et je fus bientôt tellement absorbé par la lecture de ce livre que je le lus 2 fois d'un bout à l'autre avant de revenir au sentiment de ce qui se passait autour de moi. Cependant, il commençait à faire nuit et je repris le chemin de mon logis. Mais la lecture de ce petit traité coïncidant avec une découverte pneumatique qui m'avait été récemment communiquée par un cousin de Nantes comme un secret d'une haute importance, avait fait sur mon esprit une impression indélébile. Et, tout en flânant à travers les rues crépusculeuses, je repassais minutieusement dans ma mémoire les raisonnements étranges et quelquefois inintelligibles de l'écrivain. Il y avait quelques passages qui avaient affecté mon imagination d'une manière extraordinaire. Plus j'y rêvais, plus intense devenait l'intérêt qu'ils avaient excité en moi. Mon éducation, généralement fort limitée, mon ignorance spéciale des sujets relatifs à la philosophie naturelle, loin de m'ôter toute confiance dans mon aptitude à comprendre ce que j'avais lu ou de m'induire à mettre en suspicion les notions confuses et vagues qui avaient surgi naturellement de ma lecture, devenait simplement un aiguillon plus puissant pour mon imagination. Et j'étais assez vain, ou peut-être assez raisonnable, pour me demander si ces idées indigestes qui surgissent dans les esprits mal réglés ne contiennent pas souvent en elles, comme elles en ont la parfaite apparence, toute la force, toute la réalité et toutes les autres propriétés inhérentes à l'instinct et à l'intuition. Il était tard quand j'arrivai à la maison et je me mis immédiatement au lit. Mais mon esprit était trop préoccupé pour que je pusse dormir et je passai la nuit entière en méditation. Je me levai de grand matin et je courus vivement à l'échoppe du bouquiniste où j'employai tout le peu d'argent qui me restait à l'acquisition de quelques volumes de mécanique et d'astronomie pratique. Je les transportai chez moi comme un trésor et je consacrai à les lire tous mes instants de loisir. Je fis ainsi assez de progrès dans mes nouvelles études pour mettre à exécution certains projets qui m'avaient été inspirés par le diable ou par mon bon génie. Pendant tout ce temps, je fis tous mes efforts pour me concilier les trois créanciers qui m'avaient causé tant de tourments. Finalement, j'y réussis, tant en vendant une assez grande partie de mon mobilier pour satisfaire à moitié leurs réclamations, qu'en leur faisant la promesse de solder la différence après la réalisation d'un petit projet qui me trottait dans la tête et pour l'accomplissement duquel je réclamais leur service. Grâce à ces moyens, car c'étaient des gens fort ignorants, je n'eus pas grand-peine à les faire entrer dans mes vues. Les choses ainsi arrangées, je m'appliquai, avec l'aide de ma femme, avec les plus grandes précautions et dans le plus parfait secret, à disposer du bien qui me restait et à réaliser, par de petits emprunts et sous différents prétextes, une assez bonne quantité d'argent comptant. Sans m'inquiéter le moins du monde, je l'avoue à ma honte, des moyens de remboursement. Grâce à cet accroissement de ressources, je me procurai, en diverses fois, plusieurs pièces de très belles batistes de 12 yards chacune, de la ficelle, une provision de vernis de caoutchouc, un vaste et profond panier d'osier fait sur commande, et quelques autres articles nécessaires à la construction et à l'équipement d'un ballon d'une dimension extraordinaire. Je chargeai ma femme de le confectionner le plus rapidement possible, et je lui donnai toutes les instructions nécessaires pour la manière de procéder. En même temps, je fabriquai avec de la ficelle un filet d'une dimension suffisante, j'y adaptai un cerceau et des cordes, et je faisais l'emplette des nombreux instruments et des matières nécessaires pour faire des expériences dans les plus hautes régions de l'atmosphère. Une nuit, je transportai prudemment dans un endroit retiré de Rotterdam, à l'est, 5 barriques cerclées de fer, qui pouvaient contenir chacune environ 50 gallons et une sixième d'une dimension plus vaste, 6 tubes en fer blanc, de 3 pouces de diamètre et de 4 pieds de long, façonnés ad hoc, une bonne quantité d'une certaine substance métallique ou demi-métal que je ne nommerai pas, et une 12aine de damjans remplies d'un acide très commun. Le gaz qui devait résulter de cette combinaison est un gaz qui n'a jamais été jusqu'à présent fabriqué que par moi, ou du moins qui n'a jamais été appliqué à un pareil objet. Tout ce que je puis dire ici, c'est qu'il est une des parties constituantes de l'azote, qui a été si longtemps regardée comme irréductible, et que sa densité est moindre que celle de l'hydrogène d'environ 37 fois et 4 dixièmes. Il est sans saveur, mais non sans odeur. Il brûle, quand il est pur, avec une flamme verdâtre. Il attaque instantanément la vie animale. Je ne ferai aucune difficulté d'en livrer tout le secret, mais il appartient de droit, comme je l'ai déjà fait entendre, à un citoyen de Nantes, en France, par qui il m'a été communiqué sous condition. Le même individu m'a confié, sans être le moins du monde au fait de mes intentions, un procédé pour fabriquer les ballons avec un certain tissu animal qui rend la fuite du gaz chose presque impossible. Mais je trouvais ce moyen beaucoup trop dispendieux et, d'ailleurs, il se pouvait que la batiste, revêtue d'une couche de caoutchouc, fût tout aussi bonne. Je ne mentionne cette circonstance que parce que je crois probable que l'individu en question tentera, un de ces jours, une ascension avec le nouveau gaz et la matière dont j'ai parlé, et je ne veux pas le priver de l'honneur d'une invention très originale. À chacune des places qui devaient être occupées par l'un des petits tonneaux, je creusais secrètement un petit trou, les trous formant de cette façon un cercle de 25 pieds de diamètre. Au centre du cercle, qui était la place désignée pour la plus grande barrique, je creusais un trou plus profond. Dans chacun des 5 petits trous, je disposais une boîte de fer blanc contenant 50 livres de poudre à canon et dans le plus grand, un baril qui en tenait 150. Je reliais convenablement le baril et les 5 boîtes par des traînées couvertes et, ayant fourré dans l'une des boîtes le bout d'une mèche longue de 4 pieds environ, je comblais le trou et plaçais la barrique par-dessus, laissant dépasser l'autre bout de la mèche d'un pouce à peu près au-delà de la barrique et d'une manière presque invisible. Je comblais successivement les autres trous et disposais chaque barrique à la place qui lui était destinée. Outre les articles que j'ai énumérés, je transportais à mon dépôt général et j'y cachais un des appareils perfectionnés de Grimm pour la condensation de l'air atmosphérique. Toutefois, je découvris que cette machine avait besoin de singulières modifications pour devenir propre à l'emploi auquel je la destinais. Mais, grâce à un travail entêté, à une incessante persévérance, j'arrivais à des résultats excellents dans tous mes préparatifs. Mon ballon fut bientôt parachevé. Il pouvait contenir plus de 40 000 pieds cubes de gaz. Il pouvait facilement m'enlever, selon mes calculs, moi et tout mon attirail, et même, en le gouvernant convenablement, 175 livres de lest par-dessus le marché. Il avait reçu 3 couches de vernis. Je vis que la batiste remplissait parfaitement l'office de la soie. Elle était également solide et coûtait beaucoup moins cher. Tout étant prêt, j'exigeais de ma femme qu'elle me jurât le secret sur toutes mes actions depuis le jour de ma première visite à l'échoppe du bouquiniste. Et je lui promis de mon côté de revenir aussitôt que les circonstances me le permettraient. Je lui donnai le peu d'argent qui me restait et je lui fis mes adieux. En réalité, je n'avais pas d'inquiétude sur son compte. Elle était ce que les gens appellent une maîtresse-femme et pouvait très bien faire ses affaires sans mon assistance. Je crois même, pour tout dire, qu'elle m'avait toujours regardé comme un triste fainéant, un simple complément de poids, un remplissage, une espèce d'homme bon pour bâtir des châteaux en l'air et rien de plus, et qu'elle n'était pas fâchée d'être débarrassée de moi. Il faisait nuit sombre quand je lui fis mes adieux et, prenant avec moi, en manière d'aide de camp, les 3 créanciers qui m'avaient causé tant de soucis, nous portâmes le ballon avec sa nacelle et tous ses accessoires par une route détournée à l'endroit où j'avais déposé les autres articles. Nous les y trouvâmes parfaitement intacts et je me mis immédiatement à la besogne. Nous étions au 1er avril. La nuit, comme je l'ai dit, était sombre. On ne pouvait pas apercevoir une étoile et une brune épaisse qui tombait par intervalles nous incommodait fort. Mais ma grande inquiétude, c'était le ballon, qui, en dépit du vernis qui le protégeait, commençait à s'alourdir par l'humidité. La poudre aussi pouvait s'avarier. Je fis donc travailler rudement mes 3 gredins et leur fis piler de la glace autour de la barrique centrale et agiter l'acide dans les autres. Cependant, ils ne cessaient de m'importuner de questions pour savoir ce que je voulais faire avec tout cet attirail et exprimaient un vif mécontentement de la terrible besogne à laquelle je les condamnais. Ils ne comprenaient pas, disaient-ils, ce qu'il pouvait résulter de bon à leur faire ainsi se mouiller la peau uniquement pour les rendre complices d'une si abominable incantation. Je commençais à être un peu inquiet et j'avançais l'ouvrage de toute ma force car, en vérité, ces idiots s'étaient figurés, j'imagine, que j'avais fait un pacte avec le diable et que, dans tout ce que je faisais maintenant, il n'y avait rien de bien rassurant. J'avais donc une très grande crainte de les voir me planter là. Toutefois, je m'efforçais de les apaiser en leur promettant de les payer jusqu'au dernier sou, aussitôt que j'aurais mené à bonne fin la besogne en préparation. Naturellement, ils interprétèrent ces beaux discours comme ils voulurent, s'imaginant sans doute que de toute manière, j'allais me rendre maître d'une immense quantité d'argent comptant. Et, pourvu que je leur payasse ma dette et un petit brin en plus, en considération de leur service, j'ose affirmer qu'ils s'inquiétaient fort peu de ce qui pouvait advenir de mon âme ou de ma carcasse. Au bout de 4 heures et demie environ, le ballon me parut suffisamment gonflé. J'y suspendis donc la nacelle et j'y plaçai tous mes bagages, un télescope, un baromètre avec quelques modifications importantes, un thermomètre, un électromètre, un compas, une boussole, une montre à secondes, une cloche, un porte-voix, etc., etc., ainsi qu'un globe de verre où j'avais fait le vide et hermétiquement bouché, sans oublier l'appareil condensateur, de la chaux vive, un bâton de cire à cacheter, une abondante provision d'eau et des vivres en quantité, tels que le pemmican, qui contient une énorme matière nutritive comparativement à son petit volume. J'installai aussi dans ma nacelle un couple de pigeons et une chatte. Nous étions presque au point du jour et je pensais qu'il était grandement temps d'effectuer mon départ. Je laissai donc tomber par terre, comme par accident, un cierge allumé et, en me baissant pour le ramasser, j'eus soin de mettre sournoisement le feu à la mèche dont le bout, comme je l'ai dit, dépassait un peu le bord inférieur d'un des petits tonneaux. J'exécutai cette manœuvre sans être vu le moins du monde par mes 3 bourreaux. Je sautai dans la nacelle, je coupai immédiatement l'unique corde qui me retenait à la terre et je m'aperçus avec bonheur que j'étais enlevé avec une inconcevable rapidité. Le ballon emportait très facilement ses 175 livres de lest de plomb. Il aurait pu emporter le double. Quand je quittai la terre, le baromètre marquait 30 pouces et le thermomètre centigrade 19 degrés. Cependant, j'étais à peine monté à une hauteur de 50 yards quand arriva derrière moi, avec un rugissement et un grondement épouvantable, une si épaisse trombe de feu et de gravier, de bois et de métal enflammés, mêlés à des membres humains déchirés, que je sentis mon cœur défaillir et que je me jetai tout au fond de ma nacelle, tremblant de terreur. Alors, je compris que j'avais horriblement chargé la mine et que j'avais encore à subir les principales conséquences de la secousse. En effet, en moins d'une seconde, je sentis tout mon sang refluer vers mes tempes et immédiatement, inopinément, une commotion que je n'oublierai jamais éclata à travers les ténèbres et sembla déchirer en deux le firmament lui-même. Plus tard, quand j'eus le temps de la réflexion, je ne manquai pas d'attribuer l'extrême violence de l'explosion, relativement à moi, à sa véritable cause, c'est-à-dire à ma position, directement au-dessus de la mine et dans la ligne de son action la plus puissante. Mais en ce moment, je ne songeais qu'à sauver ma vie. D'abord, le ballon s'affaissa, puis il se dilata furieusement, puis il se mit à pirouetter avec une vélocité vertigineuse, et finalement, vacillant et roulant comme un homme ivre, il me jeta par-dessus le bord de la nacelle et me laissa accroché à une épouvantable hauteur, la tête en bas, par un bout de corde fort mince, haut de 3 pieds de long environ, qui pendait par hasard à travers une crevasse près du fond du panier d'osier et dans lequel, au milieu de ma chute, mon pied gauche s'engagea providentiellement. Il est impossible, absolument impossible, de se faire une idée juste de l'horreur de ma situation. J'ouvrais convulsivement la bouche pour respirer. Un frisson, ressemblant à un accès de fièvre, secouait tous les nerfs et tous les muscles de mon être. Je sentais mes yeux jaillir de leurs orbites. Une horrible nausée m'envahit. Enfin, je m'évanouis et perdis toute conscience. Combien de temps restais-je dans cet état? Il m'est impossible de le dire. Il s'écoula toutefois un assez long temps, car lorsque je recouvrai en partie l'usage de mes sens, je vis le jour qui se levait. Le ballon se trouvait à une prodigieuse hauteur au-dessus de l'immensité de l'océan, et dans les limites de ce vaste horizon, aussi loin que pouvait s'étendre ma vue, je n'apercevais pas trace de terre. Cependant, mes sensations, quand je revins à moi, n'étaient pas aussi étrangement douloureuses que j'aurais dû m'y attendre. En réalité, il y avait beaucoup de folie dans la contemplation placide avec laquelle j'examinais d'abord ma situation. Je portais mes deux mains devant mes yeux, l'une après l'autre, et me demandais, avec étonnement, quel accident pouvait avoir gonflé mes veines et noirci si horriblement mes ongles. Puis j'examinai soigneusement ma tête, je la secouai à plusieurs reprises et la tâtai avec une attention minutieuse, jusqu'à ce que je me fusse heureusement assuré qu'elle n'était pas, ainsi que j'en avais eu l'horrible idée, plus grosse que mon ballon. Puis, avec l'habitude d'un homme qui sait où sont ses poches, je tâtai les deux poches de ma culotte, et, m'apercevant que j'avais perdu mon calepin et mon étui à cure-dents, je m'efforçai de me rendre compte de leur disparition, et ne pouvant y réussir, je ressentis un inexprimable chagrin. Il me sembla alors que j'éprouvais une vive douleur à ma cheville de mon pied gauche, et une obscure conscience de ma situation commença à poindre dans mon esprit.